tout au mon peuple mon enseignement. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche, je dirai les mystères des temps anciens, ce que nos pères nous ont raconté. Des œuvres de l'Éternel, et pourtant ils oublièrent ses miracles. Ils mirent Dieu à l'épreuve dans le désert, mais Dieu resta fidèle à sa promesse. Le tira de derrière les brebis pour conduire Jacob.